es une fleur, un arc-en-ciel, un si joli cœur, d'une beauté irréelle. Tes yeux couleur argent me fascinent tendrement. Si j'avais une main, je prendrais la tienne, une si jolie main, celle d'une reine. Toi, ma belle, toi, mon idole, tu me branlerais comme une folle. Ce que j'observe, ce sont tes lèvres, ouvertes sans réserve. Je me sens pris d'une fièvre, tu pourrais d'un appétit féroce me pomper avec force. Ah, quelle nuit romantique, avec la putain du boulevard Carnot. Ah, quelle nuit romantique pour un pauvre bougre, un pauvre manchot.